La prospective des ruines par Eric Arasim. Paysages en sursis, géographie du chaos, extase de la plante gobe-mouche, cet aveugle carnivore qui, a priori, digère en silence, mais ne peut distinguer, en toute indifférence, le spectacle lointain de la masse en ruine. Confuse, élevée au-dessus du vide, dominant les vestiges, les candidats en ballottage, marchepied du progrès pour les cadavres vaincus, ses électeurs abstentionnistes peu convaincus, par tant d'années d'exploitation des ressources humaines ou des matières du monde. Palmyre présage notre devenir, la forme d'un souvenir mise en danger, présent écartelé par la divertissante actualité du journal de 20 heures, tout est rose, délitement des images télévisées, émiettement de l'univers crypté par petites doses en petites choses ridicules, vanité des souffrances de la chair dans les décombres de la démesure. Notre terre délabrée comme les murs d'un décor somptueux. Venise baroque, Rome antique, impossible à restaurer. Où leur miroir reflète notre propre faillite, l'effondrement de nos chairs non liftées, comme un mauvais selfie. Identité morcelée, percée, suspendue à nos peines. À ne plus savoir qui croire, ni à quel saint se vouer, et laisser filer tant de choses promises par les bateleurs électoraux, les illusionnistes d'urnes, les bonimenteurs de partis, les camelots en campagne, prêchant pour des votes utiles et agréables, à nous laisser sans voix au pays des prouesses de cirque et du grand écart. Abracadabrantesque, joyeusement vôtre. Si l'on songe à toute errance parmi les ruines, aux décors buissonniers de notre enfance, survivent alors dans la bouche des saveurs d'herbes amères qui ne se dévoilent qu'aux envieux, perdus entre les plantes rares, ne sachant plus reconnaître la ciguë ou l'odeur du vieux monde, répandue dans les zones suburbaines ou dans les jardins d'acclimatation. Abri temporaire pour les caïmans, noyés dans les potagers et les marais salants, ces friches où pousse l'ennui suspendu sur une corde au milieu du ciel. Ici, l'horizon chante l'absolue nécessité de tout vouloir reconstruire. Souvenir sur le point de devenir essentiel par rapport d'analogie diabolique. Stricte transformation du vivant, tantôt des blessures secrètes, des affects, des humeurs, qui emportent nos consistances ultimes, se détachent sur la mer. Les sens extrêmes qui opèrent ne transigent pas. Dans les ruines, c'est un effondrement de plus, logique du hasard. Tout un programme, la vitesse des sentiments, la lenteur des agencements, à chaque étape du problème, devenir chien. La bête est capable de tout et de rien, latitude de son corps, longitude de sa langue. Son haleine nous affecte. Il me semble qu'ils ne sont pas hommes, femmes. On peut le remarquer. Ils vivent repliés, segmentés, comme les couples brisés, détruits, sans limite. Ce n'est pas facile, élan morphogénétique, corps micro-politique, jusqu'au plus profond de leurs atomes crochus, moléculaires, à ne plus reconnaître leurs affinités électives. Ici se termine la prospective des ruines, par Eric Arasim. Enregistré par Christiane Johan, sous licence CC BY NC ND.